angelo basta ho na na beio les gens gâtent ton nom jusqu'à fatiguer. On dit tu n'es pas sérieuse de laisser tomber. Ils ont voulu m'empêcher de t'aimer. Mais c'est toi que mon cœur a choisi en montant des sangs. C'est toi, Nabeyo, Nabeyo, Taliyo, Nabeyo. Nabe yo, Mbiyamuna. Nabe yo, Nabe yo, Atali yo. Nabe yo, bébé yo. Ayeba mouwa, ayeba mouwa. Bébé yo, ayeba mouwa, ayeba mouwa. Bébé yo. J'ai passé tout mon temps à chercher. Aujourd'hui je t'ai trouvé. Les gens diront ce qu'ils veulent. Je t'aime dans la peau. Laisse-les parler. L'amour vaut plus que les mots. Nabeyo, Nabeyo, Wataliyo. Nabeyo, Nabeyo, Mbiyamuna. Nabeyo, Nabeyo, Wataliyo. Nabeyo, bébé, oh. Ayeba mouwa, ayeba mouwa. Bébé, oh. Ayeba mouwa, ayeba mouwa. Bébé, oh. Ayeba mouwa, ayeba mouwa. Bébé, oh. Ayeba mouwa, ayeba mouwa. J'ai passé tout mon temps à chercher. Aujourd'hui je t'ai trouvé. Les gens diront ce qu'ils veulent. Je t'ai dans la peau. Laisse-les parler. L'amour vaut plus que les mots. Nabeyo, oh.